Écrivain, dramaturge, biographe, Stefan Zweig, né en 1881 à Vienne, a fui le nazisme et s'est exilé à Londres dès 1934, puis au Brésil en 1941. Il commence alors la rédaction du Monde d'hier, souvenir d'un Européen. Livre nostalgique, testament d'un monde qui n'est plus, témoignage sidéré d'un homme qui reçoit de plein fouet ce qu'il appelle l'échec de la civilisation. Stefan Zweig se suicide en 1942. Le Monde d'hier sera publié en 1944. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Septième épisode, les premiers jours de la guerre de 1914. Même sans la catastrophe qu'il déchaîna sur l'Europe, cet été de 1914 nous serait demeuré inoubliable. Car j'en ai rarement vécu de plus luxuriant, de plus beau, je dirais presque de plus estival. Jour après jour, le ciel resta d'un bleu de soie. L'air était doux sans être étouffant. Les prairies parfumées et chaudes, les forêts sombres et touffues avec leur jeune verdure. Dans les cafés et les restaurants, on s'attablait partout en plein air. On pouvait se mêler à son gré au peuple gai des curistes qui se promenaient en voiture dans le parc de l'établissement de bains ou s'égaraient sur des chemins solitaires. La veille de ce 29 juin, qui dans la catholique Autriche est la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, de nombreux hôtes étaient déjà arrivés de Vienne. En clair vêtement d'été, joyeuse, insouciante, la foule affluait dans le parc devant le kiosque à musique. La journée était douce. Le ciel sans nuages s'étendait au-dessus des larges couronnes des châtaigniers, et c'était un vrai jour à se sentir heureux. Les vacances approchaient pour les adultes, pour les enfants. Et avec ce premier jour férié de l'été, c'était comme s'ils aspiraient par avance tout l'été avec son air plein de félicité, son verre nourri, son oubli des soucis quotidiens. J'étais assis à l'écart de la foule du parc et lisais un livre. Je me souviens que c'était Tolstoï et Dostoïevski de Merejkovski. Je le lisais avec une attention concentrée. Cependant, le vent dans les arbres, le gazouillement des oiseaux et la musique du parc qui flottait dans l'air étaient également présents à ma conscience. J'entendais distinctement des mélodies sans en être gêné, car notre oreille est si capable d'adaptation qu'une rumeur soutenue, une rue bruyante, un ruisseau bouillonnant, s'installe complètement dans notre conscience au bout de quelques minutes, et qu'au contraire, seule une rupture inattendue du rythme nous fait dresser l'oreille. C'est ainsi que j'interrompis involontairement ma lecture quand soudain la musique se tut au milieu d'une mesure. Je ne savais pas quel morceau jouait l'orchestre de l'établissement de bains. Je sentis seulement que la musique avait cessé tout d'un coup. Instinctivement, je levai les yeux de mon livre. La foule qui se promenait entre les arbres comme une seule masse claire et flottante semblait elle aussi se transformer. Elle aussi interrompait subitement son va-et-vient. Il devait s'être passé quelque chose. Je me levai et vis que les musiciens quittaient leur kiosque. Cela aussi était singulier, car le concert durait d'ordinaire une heure ou plus. Il fallait que quelque événement eût provoqué cette interruption. En m'approchant, je remarquai que les gens se pressaient en groupes agités devant le kiosque à musique autour d'une communication qui, de toute évidence, venait d'y être affichée. C'était, comme je l'appris au bout de quelques minutes, la dépêche annonçant que Son Altesse impériale, l'héritier du trône François Ferdinand et son épouse, qui s'étaient rendus en Bosnie pour assister aux manœuvres, y avaient été victimes d'un assassinat politique. Une foule toujours plus nombreuse s'amassait devant ce placard. On se communiquait de proche en proche la nouvelle inattendue. Mais, pour faire honneur à la vérité, On ne pouvait lire sur les visages aucune consternation ni aucune amertume, car l'héritier du trône n'était nullement aimé. 2 heures après, on ne pouvait plus observer aucun signe de deuil véritable. Les gens bavardaient et riaient. Tard le soir, la musique se remit à jouer dans les cafés. Ce jour-là, il y eut beaucoup de gens en Autriche qui respirèrent en secret, soulagés que cet héritier du vieil empereur eût été éliminé au profit du jeune archiduc Charles, infiniment plus aimé. Mais voici qu'au bout d'une semaine environ, commença soudain dans les journaux tout un jeu d'escarmouches, dont le crescendo était trop bien synchronisé pour qu'il pût être tout à fait accidentel. On accusait le gouvernement serbe d'intelligence avec les assassins, et l'on insinuait à demi-mot que l'Autriche ne pouvait laisser impuni ce meurtre de l'héritier du trône, qu'on disait bien aimé. On ne pouvait se défendre de l'impression que quelque action se préparait avec l'aide de la presse, mais personne ne pensait à la guerre. Ni les banques, ni les maisons de commerce, ni les particuliers ne modifièrent leurs dispositions. En quoi nous regardaient ces perpétuelles chamailleries avec la Serbie qui, nous le savions bien, n'était née que de certains traités de commerce relatifs à l'exportation des ports serbes. J'avais bouclé mes malles en vue de mon voyage en Belgique, où j'irais retrouver Verhaeren. Mon travail était en bonne voie. Qu'est-ce que cet archiduc mort, dans son sarcophage, avait à faire avec ma vie? Dans la petite station balnéaire près d'Ostende, le Coq, où je voulais passer 2 semaines avant de me rendre comme chaque année dans la maisonnette de campagne de Verhaeren, régnait la même insouciance. Les gens, heureux de leur congé, étaient allongés sur la plage sous leurs tentes bariolées ou se baignaient. Les enfants lâchaient des cerfs-volants. Devant les cafés, les jeunes gens dansaient sur la digue. Toutes les nations imaginables se trouvaient rassemblées en paix. On entendait beaucoup parler allemand, en particulier, car ainsi que tous les ans, c'était sur la côte belge que la Rhénanie toute proche envoyait le plus volontiers ses vacanciers d'été. Le seul trouble était causé par les petits marchands de journaux qui hurlaient, pour mieux vendre leurs marchandises, les manchettes menaçantes des feuilles parisiennes. L'Autriche provoque la Russie, l'Allemagne prépare la mobilisation. On voyait s'assombrir les visages des gens qui achetaient les journaux, mais ce n'était jamais que pour quelques minutes. Après tout, nous connaissions depuis des années ces conflits diplomatiques. Ils s'étaient heureusement toujours apaisés à temps, avant que cela devînt sérieux. Pourquoi pas cette fois encore? Une demi-heure après, on voyait déjà les mêmes personnes s'ébrouer de nouveau joyeusement et barboter dans l'eau. Les cerfs-volants remontaient, les mouettes battaient des ailes, et le soleil riait clair et chaud sur le pays paisible. Cependant, les nouvelles les plus graves s'accumulaient et se faisaient de plus en plus menaçantes. D'abord, l'ultimatum de l'Autriche à la Serbie. La réponse évasive. Les télégrammes échangés entre les monarques et finalement les mobilisations à peine déguisées. Je ne pus plus tenir dans ce petit lieu écarté. Je me rendais tous les jours à Ostende par le petit train électrique pour être plus à portée des nouvelles. Et elles étaient toujours pires. Les gens se baignaient encore et les hôtels étaient encore pleins. Les vacanciers se promenaient encore en foule sur la digue, riant et bavardant. Mais pour la première fois, un élément nouveau s'ajouta au tableau. Brusquement, on vit surgir des soldats belges qui, en temps ordinaire, ne venaient jamais sur la plage. Les mitrailleuses étaient, particularité curieuse de l'armée belge, traînées par des chiens sur de petites voitures. Il me semblait tout à fait absurde qu'une armée se tînt sur la frontière, prête à l'invasion, pendant qu'ici des milliers et des dizaines de milliers d'Allemands jouissaient, détendus et joyeux, de l'hospitalité de ce petit pays neutre. Mais alors vinrent les jours les plus critiques, tout à la fin de juillet, et à chaque heure une nouvelle qui contredisait la précédente. Les télégrammes de l'empereur Guillaume au tsar, les télégrammes du tsar à l'empereur Guillaume, la déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie, l'assassinat de Jaurès. On sentait que la situation devenait sérieuse. Tout d'un coup, Le vent froid de la crainte balaya la plage et la vida. Par milliers, les gens quittèrent les hôtels. Les trains furent pris d'assaut, même les plus confiants commençaient maintenant à faire leur mal en toute hâte. Et moi aussi, dès que j'appris la déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie, je retins une place, et il n'était que temps. Car cet express d'Ostende fut le dernier train à quitter la Belgique pour l'Allemagne. Nous nous tenions debout dans les couloirs, excités et pleins d'impatience. Chacun parlait avec son voisin. Personne ne pouvait rester tranquillement à sa place ou lire. À chaque station, on se précipitait sur le quai pour aller chercher d'autres nouvelles, avec l'espoir secret que quelques mains déterminées pourraient encore retenir le destin déchaîné. On ne croyait toujours pas à la guerre, et encore moins à une invasion de la Belgique. On ne pouvait pas y croire parce qu'on ne voulait pas admettre un tel égarement. Peu à peu, le train se rapprochait de la frontière. Nous passâmes Verviers, la dernière station belge. Des contrôleurs allemands montèrent dans les wagons. Nous devions être en territoire allemand 10 minutes plus tard. Mais à mi-chemin de Herbestal, la première station allemande, le train s'arrêta soudain en rase campagne. Enfin vint le signal « voie libre ». Le train se remit à rouler et entra en gare de Herbestal. Déjà, j'avais aperçu, derrière les vitres de la porte soigneusement masquée de rideaux, le léger cliquetis des sabres et le bruit sec des crosses qu'on repose. Aucun doute. La monstruosité était en marche. L'invasion de la Belgique par les troupes allemandes contre tous les principes du droit des gens. Je remontai dans le train en frissonnant et continuai mon voyage vers l'Autriche. Il n'y avait désormais plus de doute. J'entrais dans la guerre. Le lendemain matin, en Autriche. Dans chaque station étaient collées les affiches qui avaient annoncé la mobilisation générale. Les trains se remplissaient de recrues qui allaient prendre leur service. Des drapeaux flottaient. À Vienne, la musique résonnait et je trouvais toute la ville en délire. La première crainte qu'inspirait la guerre que personne n'avait voulu, ni les peuples, ni le gouvernement, cette guerre qui avait glissé contre leur propre intention des mains maladroites des diplomates qui en jouaient et bluffaient, s'était retournée en un subit enthousiasme. Des cortèges se formaient dans les rues. Partout s'élevaient soudain des drapeaux, s'agitaient des rubans, montaient des musiques. Les jeunes recrues s'avançaient en triomphe, visages rayonnants, parce qu'on poussait des cris d'allégresse sur leur passage à eux, les petites gens de la vie quotidienne que personne, d'habitude, ne remarquait ni ne fêtait. La génération actuelle, qui n'a vu éclater que la Seconde Guerre mondiale, se demande peut-être « Pourquoi n'avons-nous pas vécu cela ? Pourquoi les masses ne s'enflammèrent-elles pas en 1939 du même enthousiasme qu'en 1914 ? Pourquoi n'obéirent-elles à l'appel qu'avec fermeté et résolution, mais silencieuses et fatalistes ? Les mêmes intérêts n'étaient-ils pas en jeu ? N'y allait-il pas en fait de biens encore plus sacrés, plus élevés dans notre guerre actuelle, qui était une guerre pour les idées et non pas seulement pour les frontières et les colonies ? La réponse est simple. C'est que notre monde de 1939 ne disposait plus d'autant de foi naïve et enfantine que celui de 1914. Alors le peuple se liait encore sans réserve à ses autorités. Personne en Autriche n'aurait osé risquer cette pensée que l'empereur François-Joseph, le père de la patrie universellement vénérée, aurait dans sa 84e année appelé son peuple au combat sans y être absolument contraint. Qu'il aurait exigé le sanglant sacrifice sans que des adversaires méchants, perfides, criminels, eussent menacé la paix de l'Empire. Les Allemands, de leur côté, avaient lu les télégrammes de leur empereur au tsar, dans lesquels ils luttaient pour la paix. Un prodigieux respect de ceux d'en haut, des ministres, des diplomates et de leur clairvoyance, de leur honnêteté, animait encore les gens simples. Si l'on en était venu à la guerre, cela n'avait pu être que contre la volonté de leurs propres hommes d'État. Eux-mêmes ne pouvaient être en faute. Personne dans tout le pays n'encourait la moindre responsabilité. C'était donc de l'autre côté de la frontière, dans l'autre pays, que devaient nécessairement se trouver les criminels, les fauteurs de guerre. Si l'on prenait les armes, c'était en état de légitime défense contre un ennemi astucieux et fourbe qui, sans le moindre motif, attaquait la pacifique Autriche, la pacifique Allemagne. En 1939, au contraire, cette foi presque religieuse en l'honnêteté, ou tout au moins en la capacité du gouvernement, avait déjà disparu dans toute l'Europe. On méprisait la diplomatie depuis qu'avec amertume on l'avait vu trahir à Versailles les espoirs d'une paix durable. Les peuples ne se rappelaient que trop bien avec quelle absence de vergogne on les avait trompés en leur promettant le désarmement, la suppression de la diplomatie secrète. Au fond, en 1939, il n'y avait pas un seul des hommes d'État qu'on respectât, et personne ne remettait avec foi sa destinée entre leurs mains. On obéissait, mais on ne témoignait pas d'allégresse. On montait au front, mais on ne rêvait plus d'être un héros. Déjà, les peuples et les individus sentaient qu'ils n'étaient que les victimes ou de quelque folie humaine, politique, ou d'une fatalité insondable et maligne. Et puis, en 1914, après un demi-siècle de paix, que savaient de la guerre les grandes masses? Elles ne la connaissaient pas. Il ne leur était guère arrivé d'y penser. Elle restait une légende. Et c'était justement cet éloignement qui l'avait faite héroïque et romantique. On la voyait toujours dans la perspective des livres de lecture scolaire et des tableaux des musées. D'éblouissantes attaques de cavaliers en uniforme resplendissant. La balle mortelle, généreusement, frappait toujours en plein cœur. Toute la campagne était une foudroyante marche à la victoire. « Nous serons de retour à la maison pour Noël !» criaient à leur mère en riant les recrues de 1914. Une rapide excursion en pays romantique, une aventure sauvage et virile. C'est de ces couleurs que la guerre se peignait en 1914, dans l'imagination de l'homme du peuple. Et les jeunes gens avaient même sérieusement peur de manquer dans leur vie une expérience aussi merveilleuse et excitante. C'est pourquoi ils se pressaient en tumulte autour des drapeaux. C'est pourquoi ils chantaient et poussaient des cris de joie dans les trains qui les menaient à l'abattoir. Les îlots rouges d'un sang sauvage et enfiévré battaient dans les veines de tout l'Empire. Mais la génération de 1939 connaissait la guerre. Elle ne s'illusionnait plus. Elle savait qu'elle n'était pas romantique mais barbare. Elle savait qu'elle durerait des années et des années, tant irremplaçable dans une vie. On connaissait d'avance par les journaux, par les cinémas, les techniques nouvelles et diaboliques des arts de l'extermination. On savait que les tanks gigantesques broyaient au passage les blessés et que les avions déchiquetaient femmes et enfants dans leurs lits. On savait qu'une guerre mondiale en 1939, du fait de sa mécanisation sans âme, serait mille fois plus ignoble, plus bestiale, plus inhumaine que toutes les guerres précédentes dans l'histoire de l'humanité. Pas un seul homme de la génération de 1939 ne croyait plus à une justice de la guerre, voulue par Dieu. Pis encore, on ne croyait plus en la justice ni en la durabilité de la paix qu'elle était censée gagner par les armes. Car on se souvenait encore trop bien de toutes les déceptions que la dernière avait apportées. La misère au lieu de l'enrichissement, l'amertume au lieu de l'apaisement, la famine, la dépréciation de la monnaie, les révoltes, la perte des libertés civiques, l'asservissement à l'État, une insécurité qui détruisait les nerfs, la méfiance de tous vis-à-vis de tous. Voilà ce qui créait la différence. La guerre de 1939 avait une signification spirituelle. Il y allait de la liberté, de la sauvegarde d'un bien moral. Et le fait de combattre pour une idée rend l'homme dur et résolu. La guerre de 1914, en revanche, ne savait rien des réalités. Elle servait encore une illusion, le rêve d'un monde juste et pacifique. Et seule l'illusion rend heureux, non le savoir. N'ayant que peu de culture européenne et vivant dans un horizon purement allemand, la plupart de nos écrivains pensaient ne pouvoir jouer mieux leur partie qu'en exaltant l'enthousiasme des foules et en étayant d'appels poétiques ou d'idéologies scientifiques la prétendue beauté de la guerre. Les écrivains se rassemblaient pour jurer solennellement de ne plus jamais entretenir de relations culturelles avec un Français, avec un Anglais. Bien plus, ils niaient du jour au lendemain qu'il eût jamais existé une culture anglaise, une culture française. Tout cela était insignifiant et sans valeur en regard de l'esprit allemand, de l'art allemand et des mœurs allemandes. Les savants étaient pires. Les philosophes ne connaissaient soudain plus d'autre sagesse que de déclarer la guerre un bain d'acier bienfaisant qui préservait du relâchement les forces des peuples. À leur côté se rangeaient les médecins, qui vantaient leurs prothèses avec une telle emphase qu'on avait presque envie de se faire amputer une jambe afin de remplacer le membre sain par un appareil artificiel. Les prêtres de toutes les confessions ne voulaient pas rester en retrait et mêlaient leur voix au cœur. Il semblait parfois qu'on entendait vociférer une horde de possédés. Et cependant, tous ces hommes étaient les mêmes dont nous admirions encore une semaine, un mois auparavant, la raison, la force créatrice, la dignité humaine. Mais ce qu'il y avait de plus affligeant dans cette folie, c'était que la plupart de ces hommes étaient sincères. Durant ces premiers mois, les plus écoutés furent ceux qui hurlaient le plus fort. Et d'un côté comme de l'autre, ils chantèrent et crièrent donc en un cœur sauvage. Peu à peu, au cours de ces premières années de la guerre de 1914, il devint impossible d'échanger avec quiconque une parole raisonnable. Les plus pacifiques, les plus débonnaires, étaient enivrés par les vapeurs de sang. Des amis que j'avais toujours connus comme des individualistes déterminés, voire comme des anarchistes intellectuels, s'étaient transformés du jour au lendemain en patriotes fanatiques, et de patriotes en annexionnistes insatiables. Toutes les conversations se terminaient par des phrases aussi sottes que celle-ci. « Qui ne sait haïr ne sait pas non plus aimer vraiment. » Ou encore par de grossières accusations. Des camarades avec qui je n'avais jamais eu de querelle depuis des années m'accusaient avec la dernière rudesse de n'être plus un Autrichien. Je n'avais qu'à aller là-bas, en France ou en Belgique. Ils insinuaient même prudemment que l'on devrait en fait dénoncer aux autorités des opinions comme celle que cette guerre était un crime, car les défaitistes, ce beau mot venait d'être inventé en France, étaient les pires criminels envers la patrie. Il ne restait dès lors qu'une chose à faire, se replier sur soi-même et se taire aussi longtemps que durerait la fièvre et le délire des autres. Cela n'était pas facile, car même vivre en exil, je l'ai éprouvé surabondamment, n'est pas si terrible que d'être seul dans sa patrie. Au bout de quelques semaines, résolu à échapper à cette dangereuse psychose collective, je déménageais pour m'installer dans une banlieue champêtre, afin de commencer en pleine guerre ma guerre personnelle. La lutte contre la trahison de la raison au profit de l'actuelle passion des masses. C'était Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Traduction, Serge Niemetz. Septième épisode, les premiers jours de la guerre de 1914. Prise de son, Stéphane Desmonts. Assistance technique et montage, Emmanuel Armingue. Mixage, Claire Levasseur. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, est publié aux éditions Belfond.